Les cristaux liquides de la mort. À l'automne de 1993, j'avais entrepris une enquête en profondeur en fonction d'en savoir plus au sujet des cristaux liquides. En me servant des documents reçus de plusieurs sources aux États-Unis et en Australie, concernant la perspective de cauchemar offerte par multiples combinaisons de manipulations entre les cristaux et différents champs de la médecine traditionnelle, j'avais tracé une liste précise de questions avec lesquelles j'avais contacté les départements de médecine, de biologie, de chimie et de physique de l'Université de Montréal. Les questions étaient celles-ci. Qu'est-ce qu'un cristal liquide? Quelles sont ses applications, surtout biologiques et médicales? Les cristaux liquides peuvent-ils être programmés? Un cristal liquide peut-il servir de récepteur? Quelles peuvent être les utilisations des cristaux liquides dans l'holographie spatiale et militaire? Quelles peuvent être les applications strictement militaires des cristaux liquides? Je dois vous avouer, très humblement, que j'ai eu un choc, non pas dans le sens des informations que je reçus, mais bien plutôt face à l'absence quasi totale de données scientifiques que pouvaient me fournir les départements énumérés ci-dessus. Sans exception aucune, des professeurs, des directeurs de département de sciences de l'Université de Montréal m'avouèrent, en premier lieu, qu'ils ne savaient pas si quelqu'un dans leur département était suffisamment spécialisé en ce domaine pour me fournir des réponses adéquates. En deuxième lieu, mes questions leur faisaient dire que je semblais en savoir plus au sujet des cristaux liquides que leur propre personnel enseignant, qu'ils ne savaient même pas qui, au Canada, serait à même de m'apporter des réponses scientifiquement vérifiables et qu'il serait fort intéressé que je puisse leur apporter des documents et des preuves quant aux nouvelles avenues que j'ouvrais avec mes questions. Mes questions demeurèrent donc ouvertes et le seul moyen que j'avais à ma portée pour élaborer des éléments de réponse était de me référer à des journalistes étrangers, ce qui, en passant, ne peut se réaliser dans un délai de quelques mois. Je me rappelle même avoir communiqué, alors avec le département de médecine vétérinaire, au sujet de la mort suspecte survenue sur plusieurs goélands à bec cerclé au cours de l'été 1993. Ceux-ci nageaient alors dans le vide le plus absolu, pour expliquer la mort suspecte de ces oiseaux. Lorsque je leur ai appris que la CIA avait déjà expérimenté la diffusion d'épidémies en servant d'oiseaux migrateurs comme transporteurs de bactéries, ceux-ci m'avouèrent que non seulement cette perspective leur donnait la chair de poule, mais ne la nièrent aucunement en se montrant des plus intéressés d'en savoir plus à ce sujet, ce qui leur permettrait, dans l'avenir, d'orienter leurs recherches en ce sens s'ils devaient se trouver devant des cas semblables à celui avec lequel ils étaient aux prises. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie des documents preuves présentés par Serge Monast dans ce chapitre sur les cristaux liquides. La lecture sera régulièrement entrecoupée par les documents afin de rester fidèle au déroulé de l'ouvrage. Par ailleurs, les différentes découvertes que j'avais en main concernant le contrôle de la pensée à distance et les cristaux liquides étaient déjà suffisantes en elles-mêmes pour remettre en question la pratique de la médecine légale au sujet des morts suspectes, la pratique des enquêtes criminelles en ce domaine et la pratique du droit concernant les accusations criminelles dans des cas de morts suspectes au niveau politique et professionnel. Mais comment est-il possible d'aider sa propre société lorsque ceux qui la composent, pour la plupart, et pour diverses raisons, refusent, ne serait-ce que la possibilité de regarder en face une réalité quelconque? J'ai trop souvent eu à rencontrer ce genre de comportement dans plus d'un milieu, et j'avoue personnellement que le peuple dont je fais partie, ici au Québec, est non seulement des plus manipulés par sa classe politique et journalistique, mais encore qu'il se dirige droit vers la catastrophe. Le seul qui, à l'Université de Montréal, me fit parvenir une quelconque information quant aux cristaux liquides, fut Michel Lafleur, du département de chimie, mais je ne pus rien obtenir de tangible quant à des données biologiques et médicales en ce domaine. Ce qu'il est possible de dire, mais très en résumé ici, c'est que les cristaux liquides sont connus depuis 1888, ayant été découverts par un botaniste autrichien du nom de Reidnitzer, et que selon la température et le milieu ambiant dans lequel ils se trouvent, ils peuvent passer de l'état liquide à l'état solide avec des propriétés et des applications aussi diverses que l'imagination peut le permettre. Quoi qu'il en soit, et c'est le plus important ici, c'est que la CIA et la médecine expérimentale américaine ont mis au point, à date, des méthodes pour permettre à certains cristaux liquides d'être directement injectés dans le flot sanguin pour par la suite se loger d'eux-mêmes dans certaines régions du cerveau humain et influencer ainsi directement le comportement d'un individu. Pour se intéresser à faire de plus amples recherches dans ce domaine, je mets ici, à la disposition de tous, une bibliographie aussi complète que possible concernant ces cristaux liquides et leurs applications. Chronique mensuelle. pour cette publication. La chronique habituelle ne se limitera ici qu'à un seul exposé. Il s'agit d'un document de presse que Jacques Languirand m'avait fait parvenir alors que j'étais à Edmonton, Alberta, au cours de l'été 1992 et que j'y rédigeais le dossier d'enquête journalistique « Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa ». Le présent dossier concerne le trafic d'organes humains, toujours aussi actuel, même si, pour l'instant, les médias n'en diffusent presque rien. J'ai choisi de publier ici ce dossier de presse car il concerne le monde médical, comme d'ailleurs l'ensemble de ce numéro spécial 94. Vous trouverez ci-après, au format vidéo, la copie de l'article de journal en question. Nous avons choisi de vous en faire la lecture, car le sujet abordé, le trafic d'organes humains, est totalement tabou et censuré, bien qu'existant bel et bien. Il s'agit d'un article paru dans Le Monde diplomatique, le 16 août 1992, rédigé par Maïté Pinero, envoyée spéciale. L'implacable loi du marché ne connaît pas de limite. Puisqu'il existe, dans les cliniques et hôpitaux des pays développés, une importante demande d'organes humains pour greffe et transplantation. Pourquoi ne pas organiser l'offre? De gré, par l'achat d'un rein, par exemple, à des miséreux, ou de force, par le rapt ou la fausse adoption d'enfants, revendus pour leurs organes sains. C'est à de telles abominations que s'emploient, en Amérique latine et ailleurs, des réseaux criminels bénéficiant de complicité à des niveaux élevés des gouvernements qui, des États-Unis à l'Argentine, nient tout en bloc. Une rumeur court l'Amérique latine et sème la peur dans les bidonvilles et les campagnes. Des enfants, enlevés ou achetés aux familles pauvres, seraient utilisés comme donneurs d'organes. En mars dernier, à San Luis Potosí, au Mexique, M. Librado Ricavar Ribera, secrétaire général du gouvernement provincial, annonce l'ouverture d'une enquête sur le trafic d'organes et révèle que des enfants de la zone de l'Antiplano et des faubourgs de San Luis disparaissent. Au bout de quelques semaines, ils sont restitués à leur famille après avoir subi l'ablation d'un rein. Monsieur Ricavar Ribera affirme que les enfants sont emmenés dans des cliniques à la frontière américaine. Il ajoute que le même trafic existe dans l'État voisin de Tamaulipas, limitrophe des États-Unis. Quelques milliers de dollars achètent le silence des familles très pauvres. Ce sont des voisins qui accusent. Une semaine plus tard, après une brève enquête, le docteur Salazar Martinez, directeur des services de santé, referme le dossier. Selon lui, Un tel réseau, je cite, nécessiterait une organisation hospitalière extrêmement sophistiquée. Fin de la citation. Alors que le secrétaire du gouvernement provincial avait affirmé que les opérations étaient effectuées non sur place, mais à la frontière, les services de santé réfutèrent ces accusations sous prétexte qu'à San Luis Potosi, aucun hôpital ne procède à des greffes. Lorsque nous le rencontrons, le docteur Salazar Martinez ne dispose que de 2 minutes. Selon lui, le fonctionnaire qui a donné l'alarme, je cite, a fait preuve de légèreté. Fin de la citation. Cependant, une enquête a bien eu lieu. Le docteur n'a pas le temps de nous donner de détails. Sait-il que, voilà 2 ans, une enquête similaire avait été ordonnée? Il n'a pas le temps de poursuivre la discussion. Pour sa part, M. Librado Ricavar Ribera est devenu l'homme invisible. Impossible de le rencontrer ou de le joindre au téléphone. Rien d'étonnant. Tous ceux qui ont dénoncé l'existence du trafic d'organes, ministres, hauts fonctionnaires, juges, ont été soit destitués, soit contraints au silence. Ce scénario a été inauguré à San Pedro Sula, au Honduras. C'est là que, fin 1986, la police découvre plusieurs garderies clandestines nommées Casas de Engorde, maisons d'engraissage. Les enfants sont ensuite envoyés illégalement à l'étranger pour adoption. En janvier 1987, après quelques semaines d'enquête, coup de théâtre. Monsieur Leonardo Villeda Bermudez, secrétaire de la Junte nationale du bien-être social, révèle que les enfants étaient utilisés comme donneurs d'organes. Il ajoute que des institutions charitables, recueillant des handicapés physiques ou mentaux, ont été dupées par les trafiquants qui s'étaient présentés comme de généreux bienfaiteurs. Dans un entretien au journal La Tribuna, puis à Radio América, M. Leonardo Villeda donne les détails de l'enquête. Il conclut, je cite, « Nous avons la preuve que des enfants achetés ou volés à des familles pauvres étaient vendus à des réseaux des États-Unis, $10,000 au minimum, pour servir de donneur d'organes. » Fin de la citation. Le 9 janvier, le président du Honduras dément ses affirmations, puis le démet de ses fonctions. Un mois plus tard, scandale au Guatemala. La police démantèle un réseau qui envoyait des enfants aux États-Unis et en Israël. Parmi les personnes arrêtées, Madame Ophelia Rosal de Gama, belle-sœur de l'ex-général directeur Media Victores, Monsieur Bodilio Ichos Lopez, chef des services d'information de la police, déclare, je cite, « Nous savons que les enfants envoyés aux États-Unis, sous prétexte d'y être adoptés, étaient en fait utilisés comme donneurs d'organes. » Fin de la citation. Dans ce même pays, l'affaire rebondit en janvier 1988. La police judiciaire arrête deux trafiquants d'enfants de nationalité israélienne, Michal et Louis Rotman. Le directeur du bureau de lutte contre la drogue, M. Miguel Aguirre, annonce que, je cite, « Les détenus ont avoué qu'ils exportaient les enfants en Israël et aux États-Unis. Ils étaient vendus 75 000 dollars à des familles ayant besoin de greffes pour leurs enfants. » Fin de la citation. Adopter ou dépecer. Une violente polémique s'engage. L'ambassade d'Israël proteste contre la monstrueuse accusation basée sur les déclarations irresponsables d'un fonctionnaire. Elle précise : Il est impossible de penser que de tels crimes puissent être commis en Israël, où les prélèvements d'organes seraient interdits par la loi et où les seules greffes autorisées se déroule dans de strictes conditions de contrôle. À l'ambassade des États-Unis, qui exige la publication d'un démenti, le journal El Grafico rétorque qu'il n'a fait que reproduire les informations données par le directeur du bureau antidrogue. Un communiqué du ministre de la Santé conclut l'affaire. D'après lui, toutes les informations publiées dans El Grafico étaient fausses. Au même moment, l'Agence américaine d'information, entre parenthèses USIA, remet au Congrès un rapport intitulé « Les activités soviétiques à l'ère de la Glasnost ». Rédigé par Herbert Rosenstein, responsable de l'USIA, ce rapport rappelle que le fonctionnaire hondurien à l'origine de l'affaire s'est rétracté, sans mentionner qu'il l'a fait après avoir été réprimandé par son président. Selon l'USIA, les journaux guatémaltèques se sont contentés de reprendre l'affaire hondurienne. L'agence passe sous silence les accusations très précises de deux fonctionnaires. Les États-Unis n'ont jamais changé d'attitude. Selon leur thèse, la rumeur procède d'une campagne cubano-soviétique. Ce qui donne l'alerte, ministre, juge, avocat, évêque ou organisation comme Defense of Children International ou l'Association internationale des juristes démocrates sont dénoncés comme inféodés à Moscou. Quand, en septembre 1988, le Parlement européen votera une résolution condamnant le trafic d'organes, Monsieur Richard Shifter, secrétaire adjoint au département d'État à Washington, l'accusera de propager des mensonges éhontés inventés par les soviétiques. En août 1988, les révélations d'un juge d'assumption au Paraguay, Monsieur Angel Campos, font grand bruit. La police démantèle un réseau d'exportation de petits Brésiliens qui utilisent le Paraguay comme plaque tournante. Le juge se demande, je cite, « Allait-il être adopté ou dépecé ?» Fin de la citation. Son attention avait été attirée par le fait que les mineurs étaient adoptés par des gens peu soucieux du fait que l'enfant boite, ait un bec de lièvre ou soit né avec un bras en moins. Le juge entend mettre le doigt sur la plaie. Selon lui, le trafic d'organes est un sujet tabou. Prouver l'existence de ce délit est extrêmement difficile. Le juge est convoqué à l'ambassade des États-Unis. Cette dernière publie ensuite un communiqué révélant que durant l'entretien, le juge a déclaré, je cite, « Je n'ai à aucun moment émis l'hypothèse que les organes de ces enfants auraient pu être utilisés pour des greffes aux États-Unis. » Pourtant, de nouvelles affaires éclatent. Le 14 novembre 1988, la presse péruvienne rapporte l'histoire de Rosita, une petite fille dont les yeux ont été prélevés. À Lima, la police perquisitionne les centres médicaux liés à la mafia, tandis que Mgr Luis Armando Bambarem, évêque de Chimbote, affirme que des enfants pauvres et handicapés sont effectivement assassinés pour utilisation de leurs organes. Au Brésil, où, selon le rapport parlementaire remis en décembre dernier, 7000 enfants ont été tués durant les 4 dernières années, le père Barucci, professeur de théologie à l'université de São Paulo, alerte l'ONU. Je cite. 75% des cadavres présentent des mutilations internes et les yeux ont été prélevés sur la majorité d'entre eux. Fin de la citation. Au Mexique, les accusations s'accumulent. Le 24 juin 1989, la correspondante à Puebla d'un journal El Universal dénonce l'enlèvement de 3 enfants et précise. Je cite. Dans un village situé sur les berges du rio Cuichal, un enfant a été enlevé. Il a été retrouvé quelques semaines plus tard à Tlatlaoquitepec, à 50 km de son domicile. Il avait été opéré et il lui manquait un rein. Il est hospitalisé à Puebla. Fin de la citation. Le journaliste ajoute, je cite, « Le manque de noms et de prénoms est dû à la panique qui s'est emparée des familles. Les gens ont refusé de me donner des renseignements plus précis par peur des représailles. » Fin de la citation. Le procureur adjoint du district fédéral de Mexico, M. Gustavo Barreto Rangel, déclare, en mai 1990, que ces disparitions d'enfants peuvent être liées au trafic d'organes qui se pratique à la frontière nord du pays. En octobre, la Commission Population et Développement de la Chambre des députés crée une commission d'enquête. Monsieur Hector Ramirez Cuellar, président de la Commission de Santé, Éducation et Assistance Sociale du District Fédéral, précise que sa commission se rendra à la frontière où, entre Tijuana et Rosarito, on soupçonne l'existence de cliniques clandestines. Il ajoute que les enfants enlevés pourraient être utilisés pour couvrir les besoins de nombreux étrangers qui arrivent là-bas en attente d'une greffe. Les cliniques clandestines de la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont aussi dénoncées quand éclatent, en Italie, l'affaire du trafiquant d'enfants Lucas Dinuzzo. En 4 ans, 4000 enfants brésiliens munis de visa sont arrivés en Italie pour y être adoptés. Un millier sont effectivement retrouvés. Aucune trace des 3000 autres. Or, curieusement, de nombreuses demandes d'adoption venaient de Campanie, région de familles nombreuses. Celle aussi où la Camorra règne. Deux juges italiens, M. Angelo Garnari et César Martinello, se rendent au Brésil, à Salvador de Bahia. À leur retour, ils alertent le gouvernement. Selon eux, la Camorra a mis au point un trafic d'organes d'enfants. Ces enfants seraient envoyés dans des cliniques clandestines du Mexique, de Thaïlande, mais aussi d'Europe, où on leur prélèverait tous les organes sains. Le gouvernement italien demande l'aide d'Interpol. Depuis 1987, dans les pays développés, la demande de greffe a très fortement augmenté. La cyclosporine permet de ralentir les réactions de rejet. Le Viaspan, mis au point par deux chercheurs américains et commercialisé par Dupont, permet de transporter et de conserver les organes plus longtemps. Un foie pendant 32 heures au lieu de 8, un cœur pendant 12 heures au lieu de 4. Grâce au progrès de la science, le corps devient un fabuleux gisement de matières premières. Sang, organes, tissus, os, sperme, ovules, cornée, peau, fœtus, placenta, tout est exploitable. Et les trafics en tout genre se multiplient. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a adopté, en 1990, des principes directeurs dont le premier stipule, je cite, qu'aucun organe ne peut être prélevé sur un mineur vivant aux fins de transplantation. Fin de la citation. L'OMS relève, je cite, l'une des caractéristiques de la transplantation d'organes depuis le début est le manque d'organes. L'offre n'a jamais permis de faire face à la demande. Cette pénurie a entraîné une augmentation du trafic commercial d'organes humains. Des craintes ont également été manifestées quant à la possibilité d'un trafic portant sur des êtres humains. Fin de la citation. En effet, de nombreux scandales révèlent la création d'un sinistre marché noir. La grande misère des populations du tiers-monde fait d'elle un vivier facile pour les marchands sans scrupules. En Grande-Bretagne, en 1989, un néphrologue, le docteur Crockett, a été radié à vie pour avoir organisé un réseau qui s'approvisionnait en reins en Turquie. Un an plus tard, The Lancet révèle que 130 personnes de 6 à 60 ans se sont rendues à Bombay pour une greffe de rein. Des médecins indiens justifient ce commerce qui sévit notamment à Bombay et à Madras sous prétexte que les donneurs sont volontaires et ont besoin d'argent. En Amérique latine, trois scandales récents prouvent que ce funeste commerce se développe. En février 1992, en Argentine, le ministre de la Santé a reconnu que le directeur de la clinique psychiatrique Montes de Oca, située près de Buenos Aires, prélevait effectivement du sang et des organes, des cornées notamment, sur des malades. L'enquête se poursuit actuellement pour connaître la destination des organes ainsi que celle des nombreux enfants nés dans l'établissement. Le ministre a révélé une effrayante statistique. Entre 1986 et 1992, 1321 malades sont morts. Le dragage des marécages entourant la clinique devrait permettre d'élucider le mystère de 1395 disparitions. L'Argentine était depuis longtemps citée comme l'un des pays où avait lieu un trafic d'organes. Dès 1985, le juge Maïquez avait ordonné une enquête à la suite d'accusations faisant état de trafic de sang et d'organes à Montes de Oca. Un an plus tard, le dossier était refermé. En 1987, nouvelle enquête du ministère de la Santé sur les rumeurs de trafic d'enfants fournisseurs d'organes. Rumeurs sans fondement, déclarait-on plus tard. Pourtant, en décembre dernier, le ministre de la Santé avouait prudemment « Il existe un trafic d'enfants et d'organes ». Le massacre des jetables. Après l'Argentine, vint le tour de la Colombie. Début mars 1992, éclate une épouvantable affaire digne du monstrueux univers du docteur Frankenstein. Dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Barranquilla, sont retrouvés 10 cadavres d'indigents, dont celui d'une adolescente de 15 ans et les restes de 40 autres personnes. Les gardiens de la faculté assommaient les mendiants à coups de batte de baseball. Les victimes, plongées dans le coma, n'étaient achevées qu'après extraction de leurs organes les plus rentables, qui étaient écoulés sur le marché noir. Les corps étaient ensuite utilisés pour les travaux pratiques des cours d'anatomie ou jetés dans les décharges. La Colombie découvrait avec effarement et effroi la consistance de la rumeur selon laquelle le massacre des déchables, les jetables, ainsi que sont surnommés les indigents et les enfants abandonnés, vise aussi à fournir des banques d'organes. On ne retrouvera ni la famille de la petite fille, ni M. Garrido Meza. À Cundinamarca, médecins et fonctionnaires déclarent ne rien savoir. Madame Inès Valderrama demandera à consulter les archives de médecine légale, l'institution où sont amenés les cadavres non identifiés. On lui répondra que sa recherche est impossible, étant donné le grand nombre de dossiers. Mais, depuis l'affaire des desséchables de la faculté de médecine, les langues se délient. En Uruguay, en avril dernier, c'est un réseau qui envoyait des adultes volontaires pour l'ablation d'un rein dans les cliniques brésiliennes qui a été démantelé. Parmi ses clients bénéficiaires des reins des pauvres, M. Filiberto Guinzo Gil, vice-ministre des Relations extérieures de la dictature militaire, et M. Georges Presno, ministre de l'Industrie de l'ex-président Sanguinetti. Malgré les enquêtes qui n'aboutissent jamais, malgré les fonctionnaires qui se rétractent après s'être montrés si prolixes, Muntar Born, rapporteur spécial de l'ONU, signale qu'il est très difficile d'apporter les preuves de l'existence de ce trafic, bien que les présomptions ne cessent de grandir. L'une d'entre elles réside dans la prolifération des réseaux d'adoption illégales, les sommes colossales qu'ils brassent et l'énorme demande qui suscite des vagues de rapts en Amérique latine. Une véritable traite enfantine s'est mise en place du sud vers le nord, que ne suffisent à expliquer ni l'adoption, ni le développement des réseaux pédophiles. Les évêques latino-américains, la centrale missionnaire franciscaine de Bonn, s'étonnent aussi de l'ampleur du phénomène. Monseigneur Nicolas de Jesus López Rodríguez, archevêque de Saint-Domingue et président du Conseil épiscopal latino-américain, a déclaré que l'Église va suivre toutes les plaintes concernant les ventes d'enfants en vue d'adoption illégale ou de transplantation d'organes. Au Pérou, en 30 mois, c'est un total de 3000 enfants que l'avocat américain Patrick Gagel, arrêté en février dernier, a envoyé aux États-Unis et en Italie. Que sont devenus ces enfants? Pourquoi Patrick Gagel a-t-il été remis aussitôt en liberté, comme avant lui, dans chaque pays, tous les autres trafiquants arrêtés? Se trouvera-t-il un gouvernement pour saisir Interpol, puisque telle est la condition requise pour une véritable enquête internationale? Faudra-t-il attendre d'autres horribles découvertes pour oser admettre l'effroyable vérité? Maïté Pinheiro. La lecture de l'enquête journalistique s'achève ici. Pour ceux qui souhaiteraient étudier les documents preuves présentés plus en détail, nous mettons à votre disposition, dans le descriptif de la vidéo, un lien permettant de télécharger l'ouvrage en entier. Au fil de son enquête, Serge Monast nous démontre à quel point la vaccination est un atout majeur et primordial du pouvoir occulte pour la poursuite de son agenda. En effet, l'intérêt que le système porte à la vaccination comporte, comme toujours, différents niveaux de lecture. Chaque plan du pouvoir occulte est à multiples facettes. Tout est toujours finement pensé et ficelé, de manière à ce qu'il ressorte gagnant à tout niveau. Un plan donné ne nourrit jamais qu'un seul objectif. Le premier niveau de lecture de la vaccination est naturellement de nature financière. Par exemple, en 2019, les quatre leaders principaux du marché du vaccin ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 27 milliards d'euros. Ces quatre leaders sont respectivement la société britannique GlaxoSmithKline, puis Merck et Pfizer, deux laboratoires américains, et l'entreprise française Sanofi. Le second niveau, qui va de pair avec le niveau financier, est de nature médicale. De fait, il est prouvé que la vaccination induit à minima, l'affaiblissement général du sujet vacciné. Il est également prouvé que les adjuvants présents dans la composition des vaccins provoquent une intoxication de l'organisme et peuvent conduire à une réaction allergique comme l'asthme par exemple. Ainsi, de multiples cas de maladies auto-immunes déclenchées par la vaccination sont rapportés dans la littérature, impliquant notamment les vaccins contre la grippe, l'hépatite B et le tétanos. On parle ici de maladies telles que la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré, le diabète de type 1, les maladies de la thyroïde, Basedow-Hashimoto, la maladie de Crohn, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Des problèmes de santé qui se verront pris en charge par l'industrie médicale de ce même système qui les a créés. Cette fois, le pouvoir occulte s'enrichira non pas sur la vente des vaccins en eux-mêmes, mais sur la vente des traitements permettant de soigner ces effets secondaires. Considérons également qu'une personne atteinte d'une maladie grave verra son potentiel de rébellion contre les abus du système en place considérablement affaibli, une aubaine pour le pouvoir occulte. Voici un troisième niveau de lecture possible à l'usage fait de la vaccination par le système. Il s'agit de l'impact qu'a le concept de vaccination sur nos schémas de pensée. En effet, l'idée de vaccination ne peut se concevoir et ne peut être nourrie qu'à travers le concept de peur. Pensons-y. La vaccination ne peut exister qu'à travers la peur que nous avons de tomber malade. Sans peur de tomber malade, le besoin de se faire vacciner serait inexistant. Mais pourquoi ne pas mettre son énergie dans la conservation de notre bonne santé plutôt que de nourrir la peur de contracter une maladie que nous n'avons pas? Réfléchissons-y. Pour quelle raison un être en bonne santé se retrouve-t-il à vivre dans la peur de tomber malade plutôt que de veiller à conserver son état d'équilibre? N'est-ce pas un fonctionnement de pensée illogique et irraisonné dans une société où nous ne manquons ni d'hygiène sanitaire ni de traitement? Il faut donc se l'avouer, vivre dans la peur de tomber malade n'est pas une idée qui nous est propre. Au contraire, c'est un schéma de pensée qui nous a été inculqué. Penserions-nous à nous faire vacciner si nous vivions coupés de la sphère médiatique? Il est fort probable que non. En analysant notre environnement de vie direct et quotidien, d'une manière purement pragmatique, sentirions-nous notre santé en danger au point de se faire vacciner? Il est fort probable que non. C'est ainsi que l'on réalise que le besoin de vaccination ne découle pas de l'analyse concrète et objective de notre situation, ni de celle des menaces sanitaires auxquelles nous devons réellement faire face dans notre quotidien. Alors, d'où provient ce besoin de vaccination? Deux réflexions principales sont à considérer. Il découle tout d'abord de l'habitude que nous avons prise et dans laquelle nous avons été poussés à dessein à remettre le devenir de notre santé dans les mains et décisions d'une autre personne que nous-mêmes. Nous avons perdu la responsabilité de notre propre santé et nous la remettons aveuglément aux mains de l'industrie médicale. Par la même occasion, nous avons mis sur off tout esprit critique face à une recommandation médicale. Qui se demande s'il fait bien de prendre ce médicament que son médecin lui a prescrit? Le pouvoir occulte, l'État et à travers lui, l'ordre des médecins sont devenus les garants de notre santé. Cela va même plus loin. Nous avons été conditionnés à nous déresponsabiliser de nous-mêmes et à prendre pour vérité toute communication ou information provenant des institutions du système. Ici, en l'occurrence, des instances médicales. Deuxièmement, ce besoin de vaccination provient d'une stratégie médiatico-politique finement rodée. Il nous faut réaliser que les connaissances que nous croyons posséder en termes de vaccination et d'épidémie ne proviennent en général que de ce que nous avons entendu à l'école ou dans les médias. Ce que nous croyons savoir sur le sujet n'est que campagne de publicité et propagande massive à des fins lucratives. Ce type de connaissances, qui sont en fait des croyances, ne s'assoit pas sur des rapports scientifiques ou sur de véritables connaissances médicales. Sans quoi, nous ne pourrions que désapprouver la vaccination. Mais ce n'est pas le but des médias, ni celui des agents politiques. Ainsi, tel un produit de consommation comme un autre, nous prenons les campagnes publicitaires des vaccins pour de l'information, et nous consentons à nous faire vacciner sur la base d'informations erronées et mensongères. Mais le meilleur moyen de nous pousser à nous faire vacciner et à nous soumettre est et restera la peur. Car lorsque nous sommes passés en mode peur, la raison et la rationalité ne font plus partie de notre mode de raisonnement. Nous passons en mode fonctionnement survie et devenons profondément sujets au contrôle de la pensée, ayant perdu toute capacité de discernement. Cela a un nom, la stratégie du choc, la guerre psychologique et médiatique. Choquez une population ou une personne et vous pourrez la contrôler, car cette dernière aura perdu tout esprit critique face aux solutions apportées par un pseudo-sauveur qui est en fait celui qui a initié le choc. Ce procédé d'ingénierie sociale a été largement théorisé, appliqué, expérimenté et commenté. Le pouvoir occulte n'a de cesse de l'utiliser pour faire avancer son agenda et pour réduire nos libertés. Ainsi, la principale cause à la naissance de ce besoin de vaccination se trouve dans le contrôle de l'information et plus globalement dans le contrôle de l'esprit dont nous sommes constamment la cible. Un quatrième et dernier niveau de lecture possible et de nature technologique et même biotechnologique. En effet, de nos jours, les avancées en termes de technologie et de biotechnologie sont telles que la vaccination est devenue un des outils majeurs du pouvoir occulte en termes de contrôle des populations et de contrôle de la pensée. Comme Serge Monas nous l'a souvent exposé, des micropuces d'identification existent qui peuvent être contenues par un vaccin et implanté dans le sujet sans qu'il en ait connaissance. De plus, de nombreuses innovations dans le domaine de la vaccination ont vu le jour. De nos jours, on est capable d'injecter un vaccin comportant des fragments d'ADN qui vont venir modifier l'ADN du receveur. Un vaccin pourrait donc potentiellement être administré afin de rendre un sujet docile et domestiqué selon les critères du système. Idem pour les vaccins à cristaux liquides qui existent. Dans ce cas, couplé à la présence d'un implant d'identification qui servirait de relais, les cristaux liquides pourraient servir d'antenne réceptrice aux ondes de type 5G par exemple. Les conséquences seraient désastreuses pour le devenir de l'humanité. Mais ne serait-il pas leur but? Le sujet de la vaccination est vaste et complexe, et nous ne pouvions ici le parcourir à la fois correctement et d'une manière concise. C'est pourquoi nous vous invitons à faire vos propres recherches sur le sujet qui mérite d'être creusé au vu des dangers que représente un tel acte. Ce sujet regorge de littérature, d'études et de témoignages pour qui veut bien chercher. Dans ce sens, nous vous invitons à visionner deux documentaires que nous avons partagés sur notre chaîne, à savoir « Silence on vaccine » et « Vaxed ». Concernant les cristaux liquides, nous n'avons pas le temps d'aborder le sujet ici, qui est également vaste et complexe. Nous vous invitons, là aussi, à creuser le sujet. C'est une technologie qui est présente dans nombre des objets de notre quotidien sous sa forme synthétique. Téléphone, télé, tablette, montre. Les cristaux liquides existent aussi à l'état naturel. On parle alors de cristaux liquides biologiques. Ils sont présents dans certaines plantes, dans certains animaux et dans notre ADN. Ainsi, nous comprenons l'ampleur du danger de l'administration d'un vaccin à cristaux liquides en termes de modification génétique humaine. Nous vous invitons également à découvrir l'histoire de la vaccination, l'imposture de Louis Pasteur, le franc-maçon. Prenez connaissance du fonctionnement de notre système immunitaire et de sa réaction lors de l'administration d'un vaccin. Aussi, l'impact de la vaccination sur notre corps énergétique est à considérer, car il est avéré. Elle altère notre véritable nature, notre aspect spirituel. N'oubliez pas que la vaccination n'est pas un acte anodin. C'est bel et bien un acte médical. Renseignez-vous sur la composition complète des vaccins, sur leurs adjuvants toxiques. Ne remettez plus votre santé aux mains du système. Vous êtes les seuls responsables de vous-même. Enfin, on ne peut que vous inviter à considérer les différents niveaux de lecture de la vaccination que nous vous avons exposés au regard de la dite épidémie de coronavirus. Ne succombez pas au virus de la peur et analysez les enjeux de la situation avec raison, car les preuves sont là et existent. Le Covid-19 est une vaste pièce de théâtre, à vous de trouver dans quel but. Nous espérons que cette lecture vous aura plu, et nous vous remercions pour votre écoute et vos commentaires. N'oublions pas que c'est par le biais de la connaissance que nous pourrons réellement nous émanciper du joug du pouvoir occulte. On se quitte sur cette citation de Serge Monastre. Chaque fois que vous vous retrouverez devant une évidence, en face de preuves indubitables, devant des faits clairs et précis, que vous savez intérieurement vrais, mais que vous les rejetiez, soit par peur, soit par indifférence, mais sans y réfléchir en tout premier lieu, c'est que vous êtes victime de ce contrôle de la pensée, qui veut que vous n'acceptiez comme vrai et réel que ce qui est officiel, ce qui provient de personnalités reconnues provenant de la télévision, du monde politique et du monde scientifique. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé pour qui et pour quel intérêt travaillent tous ces gens que vous avez appris à considérer comme étant des dieux? À bientôt pour de nouvelles lectures d'enquêtes passionnantes. Prenez soin de vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaîne. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays. Exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système. Insurgés du règne mis en place par une bande de vipères. Nous sommes de ceux qui se sont levés pour dire non. Fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde pue la mort, que tout le vivant est wanted. Ils ne reflètent pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu. tuer dans sa quête se déroger plein les doigts. Dites aux tortionnaires qu'on ne les laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite. Le même pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excusez problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique d'holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle terre tirant profit du centre de terre mère au pied du mur presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils se préparent le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour glisser. C'est un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être avec une culte d'intérêt pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie? Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter. Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle. La quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldat de la paix. Ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, béni soient ceux qui s'interposent, ceux qui pensent que autre chose. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort. Les cœurs sont irradiés, coffres forts barricadés, des fleurons du changement finissent sous les matraques des brigadiers. Des flics armés au racisme colonial, des principes honorables écrasés, car ça ne pense qu'au dollar. Zéro au moral, à force de perdre nos vies, nourris au film américain et à la poupe de Tchernobyl. Putain, on a dit non à la triche des vainqueurs, on dessine demain, devient peuple, société redevient peuple. Téléspectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. La police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qualifié de... Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat, pas trop dégâts. Le mensonge sort de la bouche des médias. Ils veulent nous baïonner. Aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, clave, nous clame et à vous autres. Oh, et qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or. Êtes-vous d'accord? Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme. Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore. Le paix sera l'exode que le verbe nous honore, car c'est les enfants de la terre contre les armées du vautour. Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes qu'on ghettoise. Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent terroristes. À l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted. Comme un écho d'une promesse lointaine. C'est des conneries. Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.